Donc, je vous parlais des témoins de mariage civil, essentiellement dans les villes du 19e siècle en Europe. Alors, en fait, quand on m'a proposé de venir, on m'a dit que c'était de faire un rapide retour sur une enquête, de faire un bilan. Et quand j'ai été sollicité, je me suis demandé ce que j'allais raconter. Et en fait, je me suis dit que la bonne solution, c'était de parler du témoignage au mariage civil au 19e siècle. Sujet qui m'a intéressé, qui n'est pas le seul qui m'a intéressé dans ma vie, heureusement. Mais qui, à mon avis, est intéressant pour votre... j'espère en tout cas pour cette réunion. Alors je le dis d'emblée, la plupart de mes travaux, s'ils s'intéressent aux réseaux sociaux, ne sont pas ce que je l'appellerais inscrits dans une démarche relationnelle, d'analyse relationnelle. Si on entend par là essentiellement la construction d'égo-réseaux et de réseaux complets. En fait, la plupart du temps, je suis dans une inspiration plutôt sociométrique sur le modèle des enquêtes de sociologie contemporaine, analyse des proches, analyse de la solidarité familiale, ce genre de choses. Donc plutôt des analyses sérielles, assez classiques, comme on en fait beaucoup en histoire sociale ou en démographie historique, secteur disciplinaire dont je viens, et que j'applique donc à la mesure de la composition des réseaux sociaux et familiaux des individus du passé. Alors, j'espère que cette expérience de recherche va avoir du sens dans le cadre de cette rencontre. La première remarque tout d'abord que j'aimerais faire, bon, je pense que tout le monde en a bien conscience, c'est que travailler sur le témoignage au mariage civil, c'est d'emblée travailler sur un réseau partiel, plus que partiel, qui correspond à une forme de mobilisation particulière. Et que donc, évidemment, le réseau qui va apparaître dans l'analyse du témoignage au mariage n'est qu'un réseau très limité de ce qu'est un réseau individuel ou familial d'acteurs. Évidemment, il y a pas de chance ou peu de chance qu'il se superpose exactement à toutes les autres formes de réseaux sociaux qui existent. Bien. Ça, je pense que tout le monde a bien conscience. Mais le caractère partiel de ce réseau n'empêche pas un intérêt croissant pour cette source en histoire sociale, en histoire de la famille, en démographie historique, en particulier en histoire des migrations et dans le monde urbain. Pourquoi ? L'historienne Leslie Pagemock l'a très bien dit. L'étude de ces témoins est en effet une des rares voies d'approche des réseaux sociaux concrets des individus au-delà du ménage, notamment pour les migrants en ville. Voilà, c'est clair. Alors on notera que ça va aussi pour le parrainage, qui est va aussi pour le parrainage, que j'étudie par ailleurs. Pourquoi cet intérêt ? Tout d'abord parce que les témoins de mariage ont plusieurs qualités très intéressantes pour la recherche historique. La première, c'est que c'est un lien social qui est ouvert à la parenté et à la non-parenté. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point, c'est que c'est une source qui a une forte représentativité et une forte cohérence. Qu'est-ce que j'entends par là ? En effet, tous les mariés doivent avoir des témoins. Cela ne dépend pas des revenus des personnes, et le nombre de ces témoins est fixé par la loi, non par les individus et par le positionnement social et économique. Ce qui est très différent, par exemple, des témoins des contrats de mariage. Donc, de ce point de vue, le témoin de mariage, c'est une source qui rappelle ce qu'avait dit Philippe Bénard du prénom, qui était un indicateur universel, gratuit, obligatoire, etc. etc. Bon. L'universalité et l'homogénéité facilitent le comparatisme. L'analyse de la liste des personnes mobilisées permet un regard sur les réseaux sociaux d'une population globale, sans qu'interfère au cœur même de la source la question de la position sociale et économique des acteurs. De ce point de vue, cela permet aussi une analyse sérielle classique et une analyse relationnel. Sur ce dernier point, il faut souligner un autre intérêt de ce lien, c'est qu'on peut le prendre comme un lien symétrique, porteur d'un contact entre deux acteurs. Je suis celui que je choisis et moi-même, nous sommes dans un lien. Mais on peut aussi le prendre comme un lien orienté. On peut donc faire une analyse symétrique et une analyse orientée du lien. Celui que je choisis se retrouve dans une position d'honneur et de prestige par rapport à celui qui a choisi. Donc on a deux façons de voir le lien, et c'est très intéressant de comparer ces deux formes de lien. Je l'ai fait pour un village du début du 19e siècle, un village qui s'appelle Samois-sur-Seine, à côté de Paris, qui est un village de vignerons et de mariniers, et j'ai, sur les 300 ménages de ce village, au début du 19e, alors on ne voit rien évidemment, comme d'habitude, non ça va ? Si, un peu. Je me suis intéressé à la question qui est centrale dans la sociabilité de ce village, en regardant qui choisissait qui à l'intérieur du village, comme témoin de mariage sur 25 ans, c'est-à-dire sur une génération. Les acteurs sont des maisonnées, et ensuite, on regarde qui est central. Et on peut faire des analyses de régression pour savoir quels sont les facteurs, les attributs de chaque maisonnée qui définissent d'une certaine manière pourquoi ils sont centraux. Voilà. Là, par ailleurs, j'ai fait aussi une analyse en composantes structurales qui permet de voir qui est positionné à l'intérieur du village. Donc on voit que les mariniers sont ceux qui sont choisis et qui se choisissent eux-mêmes, alors que les vignerons, plus pauvres, choisissent les mariniers. On voit qu'il y a des facteurs qui apparaissent à travers le témoignage au mariage qui sont assez intéressants et qui permettent de comprendre la composition du conseil municipal du village à cette période, qui est dominé par les mariniers, alors qu'ils sont minoritaires. Bien, voilà une sorte de solution. Mais ce n'est pas exactement ça que je vais développer aujourd'hui. Ce que j'aimerais surtout développer, c'est qu'à mon avis, cette expérience de recherche me poussait surtout à réfléchir à la qualité du lien, à une réflexion sur ce qu'était ce lien, ce qu'était cette source. Et je pense qu'il ne faut jamais négliger cet aspect. Il faut comprendre la relation sociale qu'il traduit beaucoup plus et ne pas être un statisticien détaché. C'est un point fondamental dans l'analyse des réseaux, me semble-t-il. En effet, chaque lien engage une vision particulière du réseau social de l'individu. J'ai dit qu'il y avait des superpositions qui ne s'opposaient pas. Le réseau d'alliance, le réseau de témoignage, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes déterminants. Et par ailleurs, il faut comprendre le sens que ce lien a pour les acteurs et aussi les contraintes externes qui déterminent ce lien, les modes de choix de ce lien. Concrètement, on voit que le témoignage est un acte administratif. Il est purement, je parle du témoignage au mariage civil du 19e siècle. C'est un acte purement administratif qui n'a aucune autre fonction qu'une fonction d'attestation. Il n'engage à rien, il n'a aucun coût, il ne crée aucune contrainte. Il a donc une dimension purement symbolique. Par ailleurs, les choix sont déterminés par des critères qui sont définis par le droit. Si on prend les témoins religieux catholiques après le Concile de Trente, normalement c'est 2 ou 3. Et ça peut être en droit canonique des hommes et des femmes, même si ce n'est pas le cas en fait à l'époque moderne. Ça redeviendra au 19e. Dans la France d'Ancien Régime, en revanche, on a droit à 4. Donc évidemment, si on a 2 ou 4, ce n'est pas la même chose qu'on choisit. Ce n'est pas les mêmes personnes qui vont être déterminées. Par ailleurs, dans le Code Napoléon, témoin civil, on a 4 témoins majeurs, et il est dit qu'il faut qu'ils soient masculins, et qu'ils aient plus de 21 ans, donc majeurs. Okay. Ça paraît simple. Cette détermination va fonctionner très longtemps. Mais, en fait, les critères vont énormément évoluer pendant le 19e siècle, selon les pays. Prenons l'âge. Alors, 19e, 20e. Pour l'âge, par exemple, c'est 18 ans, 74 en France, ça va être 23 ans aux Pays-Bas en 1837. Il faut au moins 23 ans. Pour le sexe, c'est un point fondamental, les femmes n'étaient pas autorisées à témoigner, elles le seront à partir de la fin du 19e siècle dans un certain nombre de pays, puis début 20e. Le nombre surtout. Au lieu d'avoir 4 témoins, on n'a plus que 2 en 1919. Et je connais des travaux qui travaillent sur justement les témoins de mariage en France au 20e siècle et qui n'ont pas vu qu'on passait de 4 à 2 dans les analyses de réseau et qui ont des théories sur la réduction du réseau social dans les villes au début du 20e siècle en France. Voilà, oups, oui. C'est pas, ça ne change pas l'intégralité du travail, mais ça pose problème. Puis ça redevient 4 à 6 en 66. En Italie, c'est 2, à partir du code Pisanelli de 1865. Et puis, il y a des contraintes de domicile qui sont souvent négligées. Par exemple, aux Pays-Bas, il faut une résidence obligatoire dans l'Empire hollandais. Alors, vous me direz, c'est quand même assez large, mais il n'y a pas le cas, par exemple, pour les autres pays européens. Et surtout en Italie, mais là, je pense que ça n'a jamais été appliqué, mais c'est dans le code, normalement, les témoins devraient résider dans la commune de célébration du mariage. Voilà, ça, c'est la loi. Alors, ce qui est important, c'est qu'évidemment, ces critères vont influer sur la délimitation du réseau. Donc, il faut les connaître. Il faut vraiment avoir une vision très claire de ces critères. Et c'est une vision qui est généralement négligée par les historiens. Ces différenciations, évidemment, bloquent les comparatismes, on en aura bien conscience. Et un des facteurs qui est décisif, c'est évidemment l'apparition des témoins féminins. À partir du moment où, en 1897, en France, les femmes sont appelées à témoigner, ça change complètement la structuration des réseaux apparents dans les sources. Tout à coup, les voisines de quartier, les épouses, apparaissent dans les réseaux sociaux des mariés. Et on a une concurrence entre réseaux féminins et réseaux masculins. De même, l'âge. Il y a des petites variations. Mais ces variations de 18, 21, 23 ans peuvent avoir un gros effet, car elles déterminent la présence ou non des frères et sœurs des mariés. Et quand les frères représentent jusqu'à 20 à 25% des choix, on comprend que ça bouge pas mal la vision de la chose. Alors, je pourrais développer un certain nombre de résultats très nombreux qui apparaissent dans les études sur les analyses de témoins de mariage. Je renvoie à l'article dans Histoire, économie et société de 2008-2002 sur ces questions. Ce qu'on peut déduire fondamentalement, c'est une faiblesse globale de la parenté dans les choix de témoins de mariage au XIXe siècle dans les villes, mais pour autant, aucunement une domination de la parenté dans le monde rural. Contrairement à ce qu'on pourrait croire dans une vision un peu simple. Par ailleurs, des différences sociales extrêmement marquées, avec un entre-soi bourgeois très fort, un entre-soi familial bourgeois très fort, et une ouverture géographique beaucoup plus ample aussi. Très peu de choix de voisinage, mais au contraire, des visions plus nationales, voire internationales, dans les choix de témoins des élites. En revanche, dans les quartiers populaires, dans les classes populaires, des choix beaucoup moins parentaux, mais des choix de voisinage plus forts, notamment du côté féminin, et des choix aussi, ce qui est d'ailleurs contre-intuitif, et aussi des choix dans le métier, et des choix de clientélisme, qui restent très puissants encore au XIXe siècle, c'est-à-dire à Paris, à la fin du XIXe siècle, on a encore beaucoup d'ouvriers qui choisissent des supérieurs sociaux, de façon à avoir une forme de patronage local. Alors, ce sur quoi j'aimerais conclure, parce que ça va très vite, c'est, je voudrais évoquer deux constats qui sont passionnants pour un historien de la famille, mais qui, dans le cadre de cette session, sont intéressants aussi en termes d'analyse relationnelle. Le premier, c'est la chute du témoignage récurrent au XIXe siècle. Qu'est-ce que j'appelle le témoignage récurrent ? Les témoins récurrents sont des gens qu'on voit apparaître tout le temps dans les actes de mariage civil. On les voit apparaître 10, 15 fois, 20 fois, 30 fois, etc. Au début du XIXe siècle, dans certains villages, le maire est dans 50% des mariages comme témoin. Okay, ça peut être aussi le garde champêtre, l'instituteur, le secrétaire de mairie, etc. Le tavernier du coin qui est choisi comme témoin et qui, en échange, paiera la tournée immédiate au présent de la noce. Et c'est impliqué comme ça. Vous voyez que, par exemple, dans cette commune de la banlieue lyonnaise, en 1793-1815, 38% des individus témoins sont des témoins récurrents. C'est-à-dire qu'ils apparaissent au moins 10 fois. Sachant qu'il y a, vous avez vu, le nombre de mariages, il n'est pas extrêmement élevé. Et jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on a un pourcentage très élevé de témoins récurrents. Et puis tout à coup, dans tous les échantillons, ça s'effondre, fin XIXe siècle. Alors même qu'il y a plus de mariages. Et dans d'autres lieux, c'est pareil. Liège, tous les corpus montrent la même chose. Saint-Chamond, ville industrielle, etc. Fin XIXe siècle, les témoins récurrents n'apparaissent plus. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que on a un sens du témoignage au mariage qui a changé. C'est un sens administratif au XIXe siècle. On remplit un quorum, il faut trouver quelqu'un. En fait, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la cérémonie religieuse. Fin du XIXe siècle, c'est important le mariage civil. Sécularisation du mariage. On voit les codes de savoir-vivre qui commencent à expliquer qui il faut choisir. Dans les années 1870-1875. Et puis, on voit qu'à la fin du XIXe siècle, c'est choisir un témoin de mariage, ça a du sens. On investit socialement cette relation. Et donc ça, évidemment, vous comprenez bien qu'en termes d'analyse de réseau, ça change tout. Avant, on a des gens qui vont être centraux dans les réseaux, mais en fait, ça n'a aucune importance. Leurs liens, ils ne comptent pas. En fait, ils sont centraux parce que ça ne compte pas. À la fin du XIXe siècle, on a des individus qui sont centraux parce que c'est important. Donc du point de vue technique, ça change pas mal de choses, vous voyez. La deuxième chose, deuxième constat, c'est la familialisation des choix. Là, je vous prends l'exemple de La Haye. Vous avez les témoins, pour un mariage, quatre témoins. Vous en avez zéro qui sont apparentés, 43% qui ont zéro témoin membre de la famille au début du mi-19e, 26% seulement à la fin du 19e. Et en revanche, au moins 8% en 1858, 19,5% en 1890. Sachant qu'à cette période, vous avez une explosion de la ville de La Haye. Ce n'est pas du tout une période de repli de économique. Hein. C'est une période de migration, d'expansion urbaine, etc. etc. Bien. Et donc, la même chose, on a un élément fondamental. La familialisation du rite montre une emphase, enfin, s'inscrit dans l'emphase ritualiste de la culture bourgeoise du XIXe siècle. Et donc, tout à coup, il s'agit de mettre en valeur le lien familial à l'intérieur de la cérémonie. Ce phénomène, on le retrouve dans d'autres liens, le parrainage en particulier. Ce n'est pas spécifique à ce lien. Mais ça encore, du point de vue de la prise en charge de l'analyse de réseau et de l'analyse relationnelle, c'est fondamental, dans le sens où ça n'est pas une transformation du réseau social, c'est une transformation de la vision qu'on a, du sens que l'on doit donner à ce lien. C'est très difficile de démêler les deux. D'accord ? Alors, je termine sur un point. Ce point paraît totalement anecdotique, mais il y a des travaux qui se sont appuyés sur justement la reconstruction de variables relationnelles à partir des témoins de mariage. Pour prendre un exemple d'un livre qui est tout à fait passionnant et qui est très intéressant, c'est le livre de Paul-André Rosenthal sur l'immigration en France au XIXe siècle. Il utilise les choix de témoins de mariage pour construire une variable explicative de la mobilité. Le problème, c'est qu'un des facteurs qui va construire sa variable, c'est le fait de choisir la même personne. Si la famille, tout le monde dans la famille choisit la même personne, ça veut dire que c'est une famille autogérée, autocentrée. Mais si c'est le maire et que 50% du village choisit tout le temps le maire, ça prouve strictement rien. Ça prouve simplement que dans cette commune, tout le monde choisit le maire. Est-ce qu'on peut choisir cette variable relationnelle comme une variable significative ? En tout cas, il faut s'interroger sur la question. Je vous remercie.